Thank you. Do you think it's okay? We're bumping onto the moon. Est-ce que c'est un peu fort? Est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est bien? Un, deux, trois, quatre. I tried to sing. One, two, three, four. Ladies and gentlemen, Mr. John Ditor. J'ai ta main, nous sommes allongés sur l'herbe de l'été. Il est tard, on entend chanter. Des amoureux et des oiseaux, on entend chuchoter. Le vent de la campagne, on entend chanter la montagne. J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux. Fleurit tour à tour, tendre et mystérieux. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur. Et dis-moi qu'il n'est pas de plus charmant bonheur que ces yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux. Allez! Come on, John! I want to listen to your guitar. Come on, John! Lady and gentlemen, Mr. John. Mr. John. Je ne te connais pas, tu ne sais rien de moi. Nous ne sommes que deux vagabonds. Ta robe est déchirée, je n'ai plus de maison. Je n'ai plus que la belle saison. Et ta main dans ma main qui joue avec mes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux qui fleurit tour à tour d'ombre et mystère. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur. Et dis-moi qu'il n'est pas plus de charmant bonheur. Do you like this song? And the drummer, do you like this? And now, John, do you want to play a riff? Thank you. like a simple double eye. The bus is okay. Come on, Joe, come on.